Dans la tête des Français. Ils ont apparemment toutes les raisons d'être heureux, mais pourtant, dans les facultés, les conversations des jeunes ne tournent plus autour du dernier concert de Johnny Hallyday et les débats vont bien au-delà d'une préférence pour le twist ou le rock'n'roll. On parle plutôt des problèmes du monde, comme la guerre au Vietnam, mais aussi d'une réforme de l'enseignement que beaucoup d'étudiants jugent indispensable. Enfin, on s'interroge sur l'avenir de ce mouvement, né à San Francisco et Los Angeles, voici 2 ans, et qui commence à toucher la France, les hippies. Nous sommes en janvier 1967 et Jacques Dutronc l'affirme, on nous cache tout, on nous dit rien. En tout cas, merci de nous accompagner. Excellente après-midi sur Radio Gamozo. Let me breathe. nothing I can do about it. Bienvenue dans la musique des 60s, bienvenue sur Radio Gémozo. C'est drôle de penser qu'il existe des gens qui auraient bien voulu un jour nous séparer. Mais je suis tous les doigts, je ne vis que pour toi, même si ils me disent parfois que tu n'es pas jolie. Jolie, jolie ou pas jolie, je t'aime à la folie. Petite fille, ne tremble pas. Petite fille, Marie, c'est toi. Tu sais, je suis à toi. C'est triste de penser qu'il existe des gens qui racontent des histoires, que les gens sont méchants. Je suis fou de toi, je ne vis que pour toi, même s'ils me disent parfois que tu n'es pas jolie. Jolie, jolie ou pas jolie, je t'aime à la folie. Vidard, jolie ou pas jolie, en tout cas en ce mois de janvier 1967, sa beauté et son charme n'ayant d'égal que son talent, Catherine Deneuve est désignée actrice de l'année. Bernard Blier est la tête d'affiche de « Si j'étais un espion », le premier film réalisé par son fils Bertrand Blier. Antoine a coupé ses cheveux. Charles Aznavour épouse à Las Vegas Ulla, sa nouvelle femme. Et Salvatore Adamo, à cause d'Inch'Allah, se voit interdit de cancer dans les pays arabes. Merci de nous avoir choisis. J'ai vu l'Orient dans son écrin avec la lune pour bannière et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière. Mais quand j'ai vu Jérusalem coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem quand sur lui je me suis penché. Ne vois-tu pas, humble chapelle, toi qui murmures peine sur la terre, que les oiseaux cachent de leurs ailes ces lettres de feu d'Angers frontière. Le chemin mène à la fontaine, tu voudrais bien remplir ton seau. Arrête-toi, Marie-Madeleine, pour ton corps ne vaut pas l'eau. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Et l'olivier pleure son ombre, sa tendre épouse, son amie, qui repose sur les décombres, prisonnière en terre ennemie. Sur une épine de barbelé, le papillon guette la rose. Les gens sont si écervelés qu'ils me répudieront si j'ose. Requiem pour 6 millions d'âmes qui n'ont pas leur mausolée de marbre et qui, malgré le sable infâme, ont fait pousser 6 millions d'âmes. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. 1967. Les Bee Gees percent avec Massachusetts. Le designer Kazar Khan élabore la voiture carrée. Yves Saint Laurent s'inspire de l'Afrique et de ses pailles. Le corsaire des temps modernes, Corto Maltese, naît sous la plume de Hugo Pratt. Les Israéliens foncent en territoire égyptien. La guerre des six jours commence. La violence de Bonnie and Clyde d'Arthur Penn choque. Blow Up d'Antonioni photographie le Swinging London. Dustin Hoffman bouleverse dans le lauréat. Les Américains bombardent Hanoï et Haïfong. Les Happenings débarquent et Otis Redding s'éclipse. Les plats préparés Buitoni sont appétissants. Crois-moi. Fred Zinnemann décroche un Oscar avec Un homme pour l'éternité. Et John Lennon fait sensation avec sa Rolls Royce. Les hippies découvrent les portes de la perception avec Light My Fire des Doors. Do you like good music? Paris s'émerveille avec le trésor exceptionnel de Toutankhamon. Chapeau melon et bottes de cuir assaillent le petit écran. Le redoutable premier sous-marin nucléaire français prend la mer. Vive le Québec libre! De Gaulle écrit l'histoire. Jacques Dutronc immortalise le mini-mini. Belle de jour de Buñuel titille l'essence. Édouard Molinaro dirige De Funès dans Oscar. À Washington, l'été de l'amour manifeste contre la guerre du Vietnam. La vie, ça ne va pas du tout. Les gens semblent me narguer. Oui. À la vie, moi, je reprends goût. Le mardi, malgré la pluie. J'ai trop dit que c'est lent. Je dis tout le rond. C'est vendredi qui m'obsède. Je m'en irai vers la ville. Et la ville que j'ai choisie sera là ce soir. Je suis là. Tout est à recommencer, oui. Je travaille du soir au matin. Et pourtant je ne suis rien. Aujourd'hui rien ne va, mais demain ça ira. Saint-Laurent, vendredi m'obsède. Montrer ses genoux pourrait être son obsession à elle, renvoyée de l'émission Télé Dimanche parce qu'elle avait légèrement montré de charmants genoux qui dépassaient de sa jupe. La speakerine et comédienne Noël Noblecourt a créé l'événement en essayant un ensemble métallique dans la maison de couture de Paco Rabanne. Elle y montrait un peu plus que ses genoux qui, entre nous, étaient magnifiques. Money, do well, you know you're young, baby. The Bizoday, l'existence de Dieu, un sujet plus que sérieux, sur lequel nous laisserons notre ami Antoine, qui vient de se couper ses cheveux, de disserter. Madame Laure Messanger, Claude, Jérémie et l'existence de Dieu. Madame Laure Messanger habitait une grande maison. Elle le gardait pour seul compagnon. Deux poissons rouges fort jolis qu'elle nommait Claude et Jérémie. Madame Laure Messanger soignait fort bien ses poissons. Jour à 5 heures, elle changeait avec précaution l'eau du grand bocal brillant. Claude et Jérémie pouvaient être heureux vraiment. Claude et Jérémie se disputaient parfois, l'un disant Dieu existe, l'autre Dieu n'existe pas. Jérémie a eu le dernier mot. Bien sûr Dieu existe, qui crois-tu qui change l'eau? Moi, j'ai cru à l'existence de Dieu jusqu'à l'âge de 15 ans. J'étais sûr que c'était lui qui faisait que les enfants. Au ventre, des mères ne venaient que lorsque elles étaient mariées. Raisonnement a eu un vice quand ma cousine a dû partir en Suisse. Le 6 février 1967, dans une chambre de l'hôtel de Paris à Monte-Carlo, que l'actrice Martine Carol est décédée pendant la nuit, victime d'une crise cardiaque due à un fort mélange de tranquillisants et d'alcool. Elle avait 46 ans. Le 26 de ce même mois, les médecins l'ont sauvée. Dalida tente de mettre fin à ses jours en avalant une forte dose de somnifères, tandis que Raquel Welch profite d'un séjour éclair à Paris pour épouser Patrick Curtis, son Pygmalion. After the turn of the century, in the clear blue skies over Germany, came a roar and a thunder men had never heard, like the screaming sound of a big war bird. Up in the sky, a man in a plane, bearing von Richthofen. was his name. 80 men tried and 80 men died. Now they're buried together on the countryside. 10, 20, 30, 40, 50 or more, the bloody red baron was rolling up the score. 80 men died trying to end that spree of the bloody red baron of Germany. In the nick of time, a hero arose, a funny looking dog with a big black nose. He flew into the sky to seek revenge, but the baron shot him down. Curse his wild again. 10, 20, 30, 40, 50 or more, the bloody red baron was rolling up a score. 80 men died trying to end that spree of the bloody red baron of Germany. Now Snoopy had sworn that he'd get that man, so he asked the great pumpkin for a new battle plan. He challenged the German to a real dog fight. While the baron was laughing, it got him in his sight. Tried everything, but he'd run out of tricks. Snoopy fired once, and he fired twice, and that bloody red baron went spinning out of sight. 10, 20, 30, 40, 50 or more, the bloody red baron was run off the score. 80 men died trying to end that spree of the bloody red baron of Germany. Well, vous pouvez nous écrire à Radio Guémozo, 8 place de l'Hôtel de Ville, 88 200 Saint-Étienne-lès-Remiremont, ou nous téléphoner au 03 29 62 40 40. The beat goes on. Beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La da da da dee. La da da da da. Charleston was once the rage. Goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La da da da dee. La da da da da. The grocery store's a supermodel. Goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La da da da dee. La da da da da. Grandma's sitting chairs and reminisce. Okay. goes on. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-da-da-da-dee. La-da-da-da-da. And the beat goes on. Yes, the beat goes on. And the beat goes on. Sonny Hunter, The Beat Goes On. Tandis que Michel Polnareff coupe ses cheveux comme Antoine pour demeurer dans le vent, Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac, sœurs dans la vie, seront les demoiselles de Rochefort dans le film de Jacques Demille. Le premier jour de ma vie, il y avait une dame, dame, dame, dame, dame, qui répondait de mon âme. Cette dame, dame, dame, dame, dame, quand elle se penchait au-dessus de moi, ses yeux étaient le premier miroir où je pouvais me voir. Elle m'appelait par des noms que jamais, non jamais, non jamais, je n'ai plus entendu depuis. Cette dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, d'une ardoise, d'une crèche, une femme, dame, dame, femme, dame, qui répondait à mon âme. Cette dame, dame, dame, femme, dame, elle traça d'abord ce qu'elle appelait les lèvres, le cou, puis les seins sur lesquels elle insista beaucoup. Elle ébaucha le reste enfin, disant que tout le bonheur du monde était dans ce dessin d'une dame, dame, dame. Dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame. Et devant ce croquis, mon âme se pâme, pâme, pâme, pâme, pâme. Mais c'est le modèle que déjà j'avais que la madame, dame, dame, dame. Il est plus facile en vérité d'avoir un dessin qu'un modèle. Le reste, la réalité, le reste me laissait à supposer qu'il me faudrait bien des années pour trouver ce qu'on a. De ma vue, car il m'avait d'une dame que l'âme, c'est une femme, dame, dame, femme, dame. Mais pour qui donc nous en prenez-vous? Non, non, rien en vous ne rappelle le modèle que je cherche depuis le beau jour où ma mère m'a dit tout le bonheur du monde est dans ce dessin d'une dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame. La peur et l'espoir à 18 ans se trouvent dans la rue des dames, dames, dames, dames. C'est le naufrage de mon pucelage dans la rue des dames, dames, dames, dames. Elle m'aborda le sourire en coin, disant qu'elle était mon dessin et que j'étais tout son bien. Entendre ça, l'argent ne coûte rien. Et le matin venu, je peux dire que je m'en revins sans rien. Dame, dame, dame, dame, dame. Dame, dame, dame, dame, dame. Je veux aimer, qui peut m'aider? Je cherche une dame, dame, dame, dame, dame. Qui peut me dire où trouver, retrouver cette dame, dame, dame, dame, dame. Où trouver ce live? Où trouver ce sable? Où trouver ce cou, ces chevilles fines qui donnent à la ronde des envies? Dites-nous ça. Elle se penchait au-dessus de moi, ses yeux étaient le premier miroir où je pouvais me voir. Elle m'appelait par des noms que jamais, non jamais, non jamais, je n'ai plus entendu depuis. Cette dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame. Dame.

cherchant la fortune pour toujours. Hey, hey, hey. Moi, j'aime la vie que je mène. Je mène la vie que j'aime. Moi, j'aime la vie que je mène. Je mène la vie que j'aime. La vie que j'aime, la vie qu'elle aime, c'est chanter les pieds nus devant 150 millions de téléspectateurs vêtus d'une mini-robe d'organdi brodée de perles. En effet, c'est le samedi 15 avril 1967 que la jeune chanteuse anglaise Sandy Shaw remporte le Grand Prix de l'Eurovision avec Puppet on a String, qui deviendra, dans sa version française, un tout petit pantin. Comme un tout petit pantin. Je suis la sourde des chevaux de bois qui tournent dans la lumière. Parfois je suis sur l'Himalaya, parfois plus bas que terre. Tu petit pantin, tu m'amènes sur les autoscooters et sur le toboggan. Mais c'est toujours toi le grand vainqueur, toujours moi le perdant. Fin des vacances pour les Beatles. Après un silence de 3 mois, les 4 copains de Liverpool annoncent un nouveau contrat de 9 ans avec leur maison de disques, ce qui devrait leur permettre de vendre quelques dizaines de millions d'albums de plus. En cette année 67, Penny Lane fait un tabac dans le monde et notamment en France. Penny Lane, there is a bar showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a bank with a motor car, the little children laughing at him behind his back, and the back 1967. La série américaine Mission Impossible débute à la télévision française. La Chine se fâche avec l'URSS. Je n'aurai pas le temps. Et le petit livre rouge de Mao Tse-tung sort en France. Même Che Guevara, l'autre idole des jeunes, est mort. Plus vite que le vent. René Magritte, peintre surréaliste, rejoint ses statues inanimées. Le pétulant Dean Martin et la pulpeuse Anne-Margaret jouent Bien joué, Mattel. Pendant que le laser le plus puissant du monde brise l'atome, Sidney Poitier et Rod Steiger survivent dans la chaleur de la nuit. Et pendant ce temps-là, les nouvelles Fiat 125 font des ravages. L'arte povera, l'art pauvre, fait des débuts remarqués. J'écoute un disque de toi, ça fait 2 minutes 30. La loi Neuwirth légalise la pilule. Ça me donne. Et les bidonvilles de la périphérie parisienne. Un petit peu de. Scandalise. Pour moi, l'amour n'existait qu'au cinéma. Il était pour tous, mais pas pour moi. L'amour qui me fuyait, jamais je n'y croyais. J'étais toujours déçu quand j'aimais. Mais quand je l'ai vu, j'ai cru à mon rêve. Je n'avais plus qu'à tendre la main. Brusquement, j'ai cru à mon rêve. Et mon rêve était vrai. Je cherchais l'amour qui me fuyait toujours. Il m'avait joué plus d'un mauvais tour. Ah, et la vie sans amour ressemble à l'ennui. Comme un jour sans soleil, tout est gris. Mais quand je l'ai vu, j'ai cru à mon rêve. Je n'avais plus dans la main. Brusquement, oh, j'ai cru à mon rêve. Et mon rêve était vrai. De cet amour-là, souvent j'ai rêvé. Désespérément, un jour le trouver. Mais quand je l'ai vu, j'ai cru à mon rêve. Je n'avais plus qu'à tendre la main. Brusquement, oh, j'ai cru à mon rêve. Et mon rêve était vrai. Mais quand je l'ai vu, j'ai cru à mon rêve. Je n'avais plus 14 ans. prend dans la main. J'ai cru à mon rêve. J'ai cru à mon rêve. J'ai cru à mon rêve. Eric Saint-Laurent, j'ai cru à mon rêve. La Californie en 1967, nouveau rêve américain pour les Français. De plus en plus de jeunes sont attirés par cet état considéré comme le plus beau, le plus riche, mais aussi le plus violent du pays. Les motos rutilantes, les mini-jupes et les pantalons à pattes d'éléphant sont partout. Certains affirment qu'ils préfigurent ce que sera la France de l'an 2000. Seront-ils présents en l'an 2000, en tout cas en ce mois d'avril 1967? Ils sont bien présents dans les hit-parades, les Rolling Stones, Ruby Tuesday. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change? Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. Such a votre choix. Marie Laforêt, Manchester et Liverpool, hommage aux Rolling Stones et aux Beatles sur fond d'amour. Manchester et Liverpool, je me revois flânant le long des rues. Au milieu de cette foule, parmi ces milliers d'inconnus, Manchester et Liverpool, je m'en allais dans tous les coins perdus en cherchant ce bel amour que près de toi j'avais connu. Je t'aime, je t'aime, que j'aime ta voix qui me disait je t'aime. Je t'aime, et moi j'y croyais tant et plus.

Aitrox, Give It To Me. Le 1er mai 1967, il épouse l'amour de sa vie. Elvis Presley et Priscilla se disent yes. La guerre au Vietnam s'enlise et Johnny Hallyday, devenu le premier chanteur hippie avec San Francisco, chante sur toutes les scènes de France et de Navarre « Je suis seul ». Allez, une affirmation qui n'engage que lui. Je suis seul. Je suis seul, je peux vous affirmer ça, que la version de Je suis seul à l'Olympien, c'est tout un programme, c'est formidable d'ailleurs. Heureux de vous faire rêver, merci de nous avoir choisis pour passer l'après-midi ensemble, pour vous tenir compagnie sur Radio Gamozo, Michel Féguin, Procolarum et Dick Rivers, l'histoire d'un homme. Se partage son cœur. Il veut se faire un nom sans montrer qu'il a peur. Quand il est dans la rue avec tous ses amis, il critique les filles qui ne veulent pas de lui. Et tout ceci, c'est l'histoire de l'homme, c'est l'histoire d'un homme, et je ne suis qu'un homme qui cherche sa vie. Oui, tout ceci, c'est l'histoire de l'homme, c'est l'histoire d'un homme, et je ne suis qu'un homme, moi aussi. La fumée dans l'air, dans un quelconque lieu, un tapis, un poker, tout se passe dans les yeux. et derrière un sourire, un air indifférent, tout un mois de salaire s'envole dans le vent. Tout ceci, c'est l'histoire de l'âme, c'est l'histoire d'un homme, et je ne suis qu'un homme qui cherche sa vie. Oui, tout ceci, c'est l'histoire de l'âme, c'est l'histoire d'un homme, et je ne suis qu'un homme, moi aussi. Et pourtant un matin, alors qu'il n'y croit plus, un visage soudain illumine la rue. Et tout ceci, c'est l'histoire de l'âme, c'est l'histoire d'un homme, et je ne suis qu'un homme qui cherche sa vie. Pourquoi il comprend le comment, et que sa vie alors en vaut la peine vraiment. Et tout ceci, c'est l'histoire de l'homme, c'est l'histoire d'un homme, et je ne suis qu'un homme. Sur Radio Guémozo, les bons moments ont toujours une musique. Oh,

est encore plus bête que méchant. Tacata, tacata, voilà les deux hommes. Tacata, tacata, voilà les deux hommes. C'était les deux hommes. Tacata, tacata, y a plus personne. 167. Jimi Hendrix explose. Elvis Presley, The King et Priscilla Beaulieu à Las Vegas disent yes. La super friteuse de Seb arrive sur le marché et élimine les odeurs de friture. Michel Polnareff ne s'est pas encore laissé pousser les lunettes. Et en Grèce, les colonels font le putsch à Athènes. Le Torrey Canyon fait naufrage. Alain Delon et le samouraï pour Jean-Pierre Melville. Dans mon agenda, quand j'en pique un petit boudin. Paul Newman et Westernis dans Luc la main froide. Jusqu'au matin. Et le beau docteur Barnard réussit la première transplantation du cœur. Je viens rechercher mes bonbons. Persona, l'hymne aux femmes de Bergman sort. Et la lampe œuf de Ben Spildens éclaire la vie. Quand tu m'as fait cette réflexion. Avec le déodorant Printil, la peau reste fraîche. Tu es parti loin de moi, ma bébé. Depuis, je ne suis plus le même. Je vois passer les heures. Mais quand vient la nuit, comment trouver l'oubli? Le jour ne tombait pas, ma bébé. J'étais si triste, j'ai pleuré, ma bébé. La nuit, on ne pas. J'avais tant de peine, j'ai pleuré pour toi. Nous savions pleurer avec lui, Franck Alamo. J'ai pleuré pour toi. Scott McKenzie chante San Francisco, une ville qui s'élève contre la violence, mais prône la liberté du sexe et de la drogue. Une ville divisée en deux groupes. L'un soutient Jimi Hendrix, l'autre soutient les Who. Tout un programme pour cette grande ville de l'Amérique. To wear Foucault disait qu'il vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit. Alors soyons sages avec ce titre de Sheila, l'un des tubes de l'année 67. Pamela. Sortait autre Ils avaient ce grain de folie qu'aurait aimé de la Rochefoucauld. Les Charlots et Max, une parodie du Hey Joe de Jimi Hendrix et de Johnny Hallyday pour la version française. Hey Max, et puis pas comme ça dit. Et puis pas que t'as plus soif toi, hein. Ils sont pas là, c'est un petit lit, hein? Et juste un petit, quoi. Et t'en mourras pas, hein? Et moi, je l'entends le qui me plaît, moi. J'ai même plus honte, tiens, je prends tout mon temps pour me peinter, moi. Et ce qui m'attend chez moi, je sais, moi, c'est un mari, avec son sacré balai, là. Oh là là là là là. Juste un petit balai, quoi. Hé, hey, Max, le Vietnam, la bombe. Il faut noyer tout ça, mon vieux. Comme tu dis, la vie, c'est le gorgeon à 6 heures. Et chacun sa tournée. Pour moi, dis, et pour moi, Max. Hey Max, et pour moi, t'as toujours un verre dans les doigts, toi, hein. Hey Max, en rentrant, t'as marché dans quoi, c'est ça, là. Hey Max, oh, je sais plus, moi, je... Salut les 60, des souvenirs plein la tête sur Radio Guémozo. Yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Lucy in the sky with diamonds.

plus de tout est perdu. Écoute et souris. Nicoletta, la musique, il connaissait les règles du jeu, il ne les a pas respectées. Le 23 juillet de cette année 67, Tom Simpson meurt sur les pentes du Mont Ventoux. Un mois plus tard, le 23 août, Eddy Merckx est sacré champion du monde aux Pays-Bas. Soyons concrets, nous le dirons, Eric Chardin le chante, le monde est gris, le monde est bleu. Thank you. Dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des whip, des clip, crack, des bang, des plop, et des zip, shabam, pow, flop, wheel. Je distribue les swings et les uppercuts, ça fait vlam, ça fait splash, et ça fait stop, ou bien bang, ou oh, parfois même shabam, pow, flop, wheel. Viens petite fille dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des whip, des clip, crack, des bang, des flop, et des zip, shabam, pow, flop, wheel. Viens avec moi par-dessus les buildings, ça fait wheel quand on s'envole et puis cling. Après quoi je fais tilt, et ça fait boing, shabam, pow, flop, wheel. Comic strip, viens faire des bulles, viens faire des whip, des clip, crack, des bang, des flop, et des zip, shabam, pow, flop, wheel. N'aie pas peur, bébé, agrippe-toi, je suis là, crack, pour te protéger, chat, ferme les yeux, crack, embrasse-moi, slap, shabam, pow, flop, wheel, shabam. Shabam, pow, blah, whoo! Black. dans Comic Strip, il invite des filles à faire des bulles. Une idée bien dans le style de Serge Gainsbourg. Tandis que Tanguy et La Verdure, les Chevaliers du Ciel, passent de la BD à la télévision, un accord intervient entre la France, l'Allemagne et l'Angleterre pour la construction de l'Airbus A330. Nous sommes en 1967. J'espère que vous passez un moment agréable en notre compagnie. Les chevaliers du ciel, dans un puits de tonnerre, à deux pas du soleil, vont chercher la lumière. Moitié ange et moitié démon, mauvaise tête mais gentil garçon. Ils ne savent ni le bien ni le mal, car ils ne pensent qu'à leur idéal. Les chevaliers du ciel sont heureux de leur sort. Cherchant le soleil, ils se rient de la mort. Si leur vie ressemble à un jeu, qu'il égrave l'éclat de leurs yeux. L'avenir, à quoi bon le prévoir quand on ne pense qu'au prochain départ? Et si l'amour vient à passer, les chevaliers du ciel parfois pensent à ce jour où ils verront leurs ailes se plier pour toujours. Courageux malgré leur détresse, ils auront l'éternelle jeunesse, la jeunesse qui n'appartient qu'à ceux qui regardent le ciel dans les yeux. Les chevaliers du ciel dans un puits de tonnerre, deux pas du soleil, vont chercher la lumière. Voilà, c'est notre idole nationale, Johnny Hallyday, qui interprète la chanson du feuilleton « Tel est les chevaliers du ciel ». En cette année 67, elle parodie le folklore américain de Chélin, un titre que reprendront le samedi soir tous les accordéonistes de France. Un air du folklore auvergnat, cette parodie, ce tube, eh ben, c'est Stella qui l'interprète. C'était un air du folklore auvergnat que chantait Verschuren, le Dylan de là-bas. Certains rêvent d'aller en Amérique, ils trouvent que c'est vraiment fantastique. New York, ils trouvent cela excitant. On voit qu'ils ne connaissent pas Clermont-Ferrand. C'était un air du folklore auvergnat que j'avais entendu chanter par mon bougnat. C'était un air du folklore auvergnat que mon bougnat chantait en livrant ses boulets. Mon air ne parle pas de politique ni des dangers de la guerre atomique. Ne juge pas des questions raciales, car tout le monde est heureux dans le massif central. C'était un air du folklore auvergnat que j'avais entendu à Salut les Fouchtras. C'était un air du folklore auvergnat que chantait Verschuren, le Dylan de là-bas. Le cinéma fait ses premiers pas à bord des Boeing Air France. Jean Marais et Louis de Funès sont repartis de plus belle dans Fantomas contre Scotland Yard. Rolling Stones donne un concert à Varsovie. Et David Niven joue dans Casino Royale. À Montréal, lors de l'exposition universelle, Buckminster Fuller dévoile son dôme géodésique. Léontine, c'est la cuisine. Elf intrigue avec ses ronds rouges. La carte bleue se glisse dans les portefeuilles. Gaston, y a le téléphone qui sonne et y a jamais personne. Arabal provoque. Et le Kaway protège. En toute saison, pour la pluie, Kaway. Toujours plus fort, le café, Nescafé est lyophilisé. JJSS, Jean-Jacques Servan-Schreiber lance le numéro 1 de l'expansion. Et au cœur de Paris, la gare Montparnasse, qui n'est plus qu'une carcasse, se refait une beauté. Great gosh, everybody, she looks so fine. She's the best girl that I've ever had. And sometimes the show makes me feel so bad. Na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na. Hush, hush, I thought I heard her calling my name. Now hush, hush, she broke my heart, but I love her just the same. Now hush, hush, I thought I heard her calling my name. Now hush, avec Billy Joe Royal, Johnny Hallyday en fera une version française qui tournera à l'hystérie collectif lors de son passage à l'Olympia. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain dès 15h pour une nouvelle émission et dimanche dès 10h pour la rediffusion de celle-ci. Excellente fin de journée, merci de nous avoir écoutés. Excellente semaine sur Radio Gémozo.